Les Sud-Coréens enragés contre l'entretien de Bakounine adressé à la population visant à tromper l'opinion publique et maintenir son mandat continuent la lutte pour sa démission. Le 30 novembre, des meetings et manifestations ont eu lieu partout à Séoul pour condamner Bakounine, Choi Soon-sil, des plutocrates, le Parti pour un nouveau monde et la Maison Bleue. Et au niveau national, plus de 350 000 Sud-Coréens, comme ouvriers, enseignants, commerçants, citadins et élèves, ont participé à la même lutte. L'action de la population d'urgence pour la démission du pouvoir de Bakounine a organisé le 1er décembre à Séoul la réunion nationale des délégués de l'action pour la démission face au troisième entretien de Bakounine pour demander sa démission immédiate, sa détention et une enquête et la dissolution du parti pour un nouveau monde. Le 2 décembre, des campagnes ont eu lieu partout en Corée du Sud pour la démission de Bakounine et la dissolution du parti pour un nouveau monde. Par ailleurs, le journal d'internet sud-coréen La Voix du Peuple a inséré le 1er décembre un éditorial qui critique le parti pour un nouveau monde.